la rue du Cherche-Midi, à la terrasse de Bussy, d'éternels moments j'ai passé. Avec mon grand-père adoré, il est parti un triste jour, en emportant tout mon amour. Me permettras-tu, bon papa, d'écrire cette chanson pour toi? Bon papa, tu nous manques beaucoup déjà. Bon papa, de grands souvenirs j'ai de toi pour toujours. Bon papa, dans tous les cœurs tu resteras. Bon papa, il m'arrive de rêver de toi par amour. Je te revois toujours assis à la terrasse de Bussy, où si souvent tu regardais ce paysage qui te plaisait. Je m'asseyais, on discutait, et jamais on ne s'ennuyait. Je t'entends encore te marrer, telle une cigale d'été. Bon papa, tu nous manques beaucoup déjà. Bon papa, de grands souvenirs j'ai de toi pour toujours. Bon papa, dans tous les cœurs tu resteras. Bon papa, il m'arrive de rêver de toi par amour. Bon papa, tu nous manques beaucoup déjà. Bon papa, de grands souvenirs fait de toi pour toujours. Bon papa, dans tous les cœurs tu resteras. Bon papa, il m'arrive de rêver de toi par amour. Bon papa,